Au paradis, pas un bruit, seulement une brume où je flotte dans un bien-être reposant. Est-ce cela l'image de la mort? Je suis au paradis, je me sens bien. Son corps émet tout à coup un formel démenti. Des messages de douleur arrivent de partout. Où suis-je donc tombé? Je lève les yeux, je ne reconnais rien de ma dernière prison. Le tourbillon de fumée a disparu. J'aperçois toujours la structure du puits, sauf que tout en haut, je vois un rond de lumière. J'escalade la paroi et continue à monter. Plus je me rapproche du sommet, plus je sens de la chaleur se dégager. Maudit tracteur, il tombe toujours en panne au mauvais moment. En effet, Gustave, au milieu de son champ, tire rageusement sur le démarreur. Le moteur reste impitoyablement muet. Pourtant, la soirée d'hier s'était admirablement bien terminée. Après cet instant de joie qui l'a étreint, il a rangé son matériel méticuleusement dans le hangar. Puis, aussitôt, il est rentré dans son havre de paix. Célibataire depuis toujours, il a réfléchi plusieurs fois avant de refuser les avances de quelques jeunes filles. Lui n'était pas un mauvais parti. Les filles à l'académie disaient même qu'il était beau gosse. Il préfère la solitude avec son éternelle remise en cause. La sempiternelle question « Ai-je fait le bon choix ?» L'existence de reclus que j'ai choisie mène-t-elle vers la véritable liberté ? Naviguant dans les méandres du destin, cherchant à chaque étape la réponse à mes craintes, mes angoisses. Pour l'instant, l'angoisse qui m'accapare le plus au monde est ce maudit tracteur qui ne veut plus démarrer. Gustave descend de l'engin et enlève prestement le capot. Les organes rougissants de la machine sont mis à nu, dévoilant sans pudeur la saillie de leurs cylindres et où se forment les gaz de combustion, ceux qui fournissent la force expansive agissant sur le mécanisme. Gustave, d'une main experte, réalise quelques tests de recherche de panne. Nettoyage consciencieux des bougies, vérification méthodique de chaque gaine et câble d'alimentation. Un sourire vainqueur éclaire le visage de Gustave. Ses yeux se braquent sur le tuyau d'arrivée de gasoil. Celui-ci offre un petit trou presque invisible à l'œil nu. On remarque que le carburant perle à la blessure. La réparation sera rapide et hop, voilà qui est fait. Au moment de refermer le capot, Gustave remarque un scintillement au creux des garnitures protégeant les courroies. Sa main, tel un météore, saisit l'objet du délit. Une cuillère? Comment diable cet objet a-t-il pu venir ici? Il observe avec minutie. Pas banal ce couvert flambant neuf sorti de l'emballage, ne portant aucune marque ni aucun numéro de fabrication d'usine, comme ces industriels aiment si bien faire. Avec indifférence, Gustave jette par-dessus son épaule l'objet. Il tombe et vient mollement s'enfoncer dans la terre glaise. Petit bruit mat aux oreilles de l'homme, cataclysme destructeur pour l'insecte qui est proche. Que ressentirait-on si un immeuble de 12 étages venait s'écraser au sein de l'une de nos plus grosses agglomérations? Catastrophique, tel est le mot. La cuillère, aux yeux de la fourmi, s'élève majestueusement, creusant un cratère de plusieurs centaines de mètres de largeur et de profondeur. Ici, quelques secondes auparavant, se déroulait la fourmi-route qui mène vers la fourmilière. Contrairement à tout objet venant du ciel, celles-ci rapetissent à une vitesse incroyable. La fourmi ouvrière, habituellement indifférente à ces objets extraterrestres, lève vers la cuillère ses antennes et cherche à comprendre à travers l'ébauche d'intelligence de son cerveau, la compréhension de ce phénomène. Il se crée un nuage de vapeur et l'objet se désintègre, ne laissant que le trou béant. La fourmi, comme à regret, reprend son travail routinier et a déjà oublié l'incident. Une secousse sismique ébranle l'ensemble de l'édifice que j'escalade. Des craquelures se forment à divers endroits, dont une sous mes pieds. La chute se fait dans le silence. Mes mains, désespérément, essayent de s'agripper à la paroi. Je ne réussis pas. Je m'écorche les doigts. Je ferme les yeux dans l'attente de ma mort prochaine. J'entre en contact avec un liquide froid et visqueux. Pouah, quelle odeur infecte. c'est huileux en plus. Un glouglou bruyant se fait entendre. Je tourne la tête et je vois un siphon se former où sont aspirés des centaines d'hectolitres à la seconde. Comme je l'ai prévu, inexorablement, je suis entraîné vers cet abîme. Je tombe vraiment de charib en scylla. Qu'ai-je donc fait au Dieu pour mériter tel châtiment? Je retiens mon souffle et disparais. Au milieu du tourbillon, je remarque un tunnel fortement éclairé. Par un heureux hasard, j'arrive à la surface de ce torrent souterrain. Heureusement que le niveau n'atteint pas le plafond. Je surnage péniblement avec une affreuse angoisse de non-retour. Au loin, j'aperçois une faille d'où pendent des lianes. Je les agrippe à temps. La résurgence de ce fleuve n'est qu'à quelques mètres de là, et qui peut savoir où ce Styx aboutit? Sur les faubourgs de l'enfer et autres diableries? Je puise dans mes dernières forces et parviens à me hisser. Une plage de sable fin accueille mes premiers pas. Je m'effondre de fatigue et m'endors rapidement. Et je n'ai pas le temps d'entendre ce bruit sinistre et intolérable qui soudain s'élève. Gustave tourne la clé et victorieusement le moteur se remet en route. Il embraye la machine agricole. Les rouages se mettent en branle et continuent leur travail. Gustave sourit à ce bon fonctionnement et joyeusement continue son activité. En 2 heures, c'est terminé. Content de lui, il a battu un record malgré la panne. Il entreprend de regagner son logis quand, de nouveau, le moteur donne des signes de fatigue. Hoquette, dans un dernier soupir, et s'éteint. Mince, que se passe-t-il encore? Veux-tu te remettre en route, bon sang de machine à la graisse de cabestan? Rien n'est fait. Pas même les incantations, ni les insultes de Gustave. Le tracteur reste sourd à toutes ses invectives. Un coup bien assujetti donne l'impulsion nécessaire à l'ouverture du capot. Cette fois, sans voyeurisme, sans volonté de choquer et avec retenue, le moteur se cache derrière une nappe brumeuse, symbole de sa dernière résistance à toute pénétration infectieuse. Gustave bat des mains pour chasser les volutes de fumée. La surface motorisée se dégage et apparaissent enfin les organes de leur capot protecteur. Un souffle brûlant sort d'une partie précise du moteur suivi d'un bouillonnement caractéristique. Une durite d'eau rompue. Panne facilement réparable si on dispose de la pièce de rechange. Gustave en dispose d'une à proximité de son coffre à outils. Fort heureusement, j'ai toujours sous la main de quoi pallier à tout manque, vu l'isolement dans lequel je me trouve. Pour renouveler l'eau du radiateur, il suffit que je puise dans le ruisseau qui coule au pied de mon champ. Cela tiendra jusqu'à ce que je revienne à la ferme et la remplace par du liquide de refroidissement classique. Les particules de fer contenues dans l'huile moteur s'animent d'une vie propre et s'activent à la recherche du prisonnier qui s'est échappé. Chaque recoin est soigneusement visité. Perdre l'étincelle qui engendre la vie signifie la perte pure et simple de toute existence. Les défenses s'organisent, le flux vital s'écoule par une fissure. Les gaz de combustion adoptent des formes fantomatiques pour faciliter tout déplacement. Les soupapes soupirent de crainte, sentant la mort proche. Tout cet ensemble ne peut ainsi disparaître. Mon réveil est provoqué par un cliquetis. Je me lève prestement et oh, miracle! Sur cette plage, juste au bout de l'allée, un trou baignant dans une lumière vive. Enfin, je vais être libre, libre après tous ces siècles d'asservissement et d'emprisonnement. Pourtant, à chaque fois que j'essayais de m'évader, on me reprenait pour m'enfermer dans cette horrible cellule. Le destin m'a aidé. Ils ne peuvent combattre à la fois les attaques extérieures et mes évasions. Je cours vers la lumière salvatrice, bonheur inéluctable, calme et reposant. Un tentacule, puis deux, se déploient et me saisissent à la cheville. La force utilisée n'est pas aussi importante que d'habitude. D'un coup sec, je brise mes chaînes et parviens à me libérer. En un seul bond, je franchis le mur de lumière. Gustave puise l'eau dans le ruisseau. Une explosion retentit. Des débris volent autour de lui et fort heureusement ne l'atteignent pas. Devant ses yeux effarés, le tracteur a cessé de vivre. Il a explosé. Tristement, Gustave enlève sa casquette et pense à la nuit blanche qu'il va passer à remplir les papiers pour l'assurance, ne pouvant penser qu'il a assisté à l'agonie de tout un univers.